إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers et sœurs, on continue ce soir la lecture et l'explication du livre Le mérite de l'islam, écrit par l'imam, le Cheikh Mohammed ibn Sulayman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous en sommes aujourd'hui au chapitre qu'il a intitulé Chapitre sur ce qui démontre que l'innovation est plus grave que les grands péchés. Donc à travers ce chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, va nous démontrer le mal des innovations et leurs dangers, et que celles-ci sont plus nuisibles et plus dangereuses, que ce soit pour la religion ou pour leurs auteurs, que les grands péchés. Et l'innovation, al-bid'a, dans la langue arabe, désigne la chose nouvelle qui n'a pas de précédent. Et sa définition dans la législation, c'est toute chose nouvelle en religion qui n'a aucune origine dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme le fait d'instaurer une nouvelle adoration qui n'a pas d'origine. Et ce car, les adorations en islam, elles sont tawqifiyya, c'est-à-dire qu'elles sont limitées au texte du Coran et de la sunna. Et tout ce qui n'a aucune origine et aucune preuve dans les textes du Coran et de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fait alors partie des innovations qui sont rejetées. Car comme on l'a vu dans des cours précédents, Allah subhanahu wa ta'ala a complété cette religion. Il dit subhanahu wa ta'ala au verset 3 de surat al-Ma'ida, « Al-yawma akmaltu lakum dinakum » « Aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion ». Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a complété cette religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort sans avoir transmis de manière complète cette religion à sa communauté. Donc toute chose qui est instaurée en religion fait partie des innovations qui sont rejetées. Et c'est à ce sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce célèbre hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, d'après notre mère Aisha radiyallahu ta'ala anha, qui rapporte qu'elle a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dire, celui qui instaure dans notre ordre ce qui n'en fait pas partie, ceci sera rejeté. C'est-à-dire celui qui instaure dans notre religion une chose qui n'en fait pas partie, une chose qui n'a aucune origine dans notre religion. Et dans une autre narration rapportée par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, il a dit « Celui qui accomplit un acte que nous n'avons pas ordonné, alors celui-ci sera rejeté. » Donc quiconque instaure une chose dans la religion ou accomplit une chose en religion qui n'a pas été ordonnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci sera inévitablement rejeté par Allah subhanahu wa ta'ala, même si son auteur a une bonne intention. Même s'il recherche à travers cela le bien et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'innovation, elle ne devient pas légitime sous prétexte que son auteur a une bonne intention. Même s'il ne vise par cela que se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire le bien et qu'il est sincère. Aussi bonne soit son intention, son acte est rejeté. Et même s'il prétend que cet ajout ou cette chose qu'il accomplit est un bien, nous lui répondons alors que ceci ne peut en aucun cas être un bien, mais que c'est un mal. Car le bien ne se trouve que dans ce avec quoi est venu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'il disait, sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, le meilleur des discours est le livre d'Allah, et la meilleure des voix est la voix de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et les plus mauvaises choses sont celles nouvellement instaurées. Les plus mauvaises choses sont celles nouvellement instaurées. Ceci nous montre que les innovations, les choses nouvelles en religion, font partie des choses les plus mauvaises, même si leur auteur pense être sur le bien. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Et toute innovation est égarement, et tout égarement est en enfer. Toute innovation est égarement, sans exception. Il n'y a pas de bonne innovation comme certains parmi les partisans de l'innovation peuvent le prétendre. Ils propagent certaines innovations en disant ceci est une bonne innovation. Nous voulons le bien par celle-ci. Celle-ci est un bien, et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit dans ce hadith et dans ce discours qu'il prononçait lors de ses sermons du vendredi, toute innovation est égarement, sans exception. Comment toi, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux venir et prétendre qu'il y a de bonnes innovations? Peut-il y avoir une chose bonne en religion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas transmis à sa communauté? Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que la religion est complète. Donc, cela signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré tout le bien pour nous et nous a avertis contre tout le mal. Donc, si toi tu prétends qu'il y a une chose nouvelle qui est bonne en religion, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas transmis cette chose. C'est pour cela que l'imam Malik rahimahullah ta'ala a dit une parole dans le sens que celui qui prétend qu'il y a en islam de bonnes innovations, alors il a certes prétendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Car Allah nous a informé qu'il a complété cette religion. Et le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam était de transmettre cette religion à sa communauté. Donc celui qui vient et dit il y a une bonne innovation, il accuse le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas avoir transmis cette chose. Vous comprenez donc, à travers cela, la gravité des innovations. Et comme on a dit, celles-ci sont tout égarement, sans exception, comme l'a attesté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith, il dit: accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Cramponnez-vous-y, mordez-y avec vos molaires et prenez garde aux choses nouvelles en religion. Car toute chose nouvelle en religion est innovation et toute innovation est égarement. Donc toute personne qui vient aujourd'hui avec une adoration ou un acte par lequel il prétend se rapprocher d'Allah et que cette adoration ou cet acte ne repose sur aucune preuve du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors cet acte ou cette adoration est une innovation. Et si c'est une innovation, c'est un mal et un égarement. Et ceci ne peut comprendre aucun bien comme pourraient le prétendre les gens de l'innovation et de l'égarement. Ils instaurent en religion des formules de adhkar. Ils disent, tu répètes tant de fois cette sourate, tu répètes tant de fois cette parole, et tu fais ceci le matin et le soir tant de fois, et ainsi de suite. Parmi les choses qu'ils ont instaurées en religion et qui n'ont pas d'origine. Ou alors, ils instaurent des adorations, des jours de jeûne, des prières à accomplir d'une manière particulière ou en des moments particuliers. Ou alors des célébrations, comme les Mawalid, le Mawlid, An-Nabawi, et autres célébrations qu'ils prétendent faire partie des bonnes innovations, pensant que cela les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'en réalité, ceci ne fait que les éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, car tous ces actes sont rejetés par Allah subhanahu wa ta'ala et ne sont pas acceptés de leurs auteurs. Il est donc important de comprendre que la religion est complète et que celui qui veut le bien et qui veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a qu'à suivre la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Suivez et n'innovez pas, comme disaient les salafs. Suivez et n'innovez pas. Tu veux le bien? Emprunte la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ne viens pas avec des choses nouvelles. Ne viens pas avec des choses qui n'ont aucune origine dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et aucune origine dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais suis la voie de ton prophète. Et écarte-toi de toute innovation en religion. Et en raison de la gravité des innovations, les savants de l'islam ont déployé de grands efforts pour mettre en garde contre celles-ci. Et ils ont écrit de nombreux ouvrages à ce sujet. Et ils ont averti de diverses manières les musulmans contre le mal des innovations, et ce, afin qu'ils s'en écartent. Car les innovations, comme on a dit, elles sont un mal. Et leurs partisans sont des gens égarés du droit chemin. C'est pour cela que bien souvent tu verras les innovateurs réprouver nombre de sunnas confirmées du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils aiment les innovations, Ils sont actifs dans l'innovation. Ils ont de la ferveur dans l'innovation. Mais lorsque tu leur demandes de mettre en pratique une sunna, ils sont pris de paresse et ils voient cela comme une chose compliquée. Regardez la ferveur des gens pour la célébration du Maulid, qui est une innovation religieuse. Regardez l'importance qu'ils donnent à cette innovation. Comment ils se réunissent, comment ils s'organisent, ainsi de suite. Et comment ils sont pris de colère lorsqu'on leur interdit cela et qu'on leur rappelle que ceci est une innovation en religion et que ce n'est pas permis. Et qu'il n'est pas légiféré de célébrer quoi que ce soit en ce jour. Ils aiment l'innovation, ils sont pris de ferveur pour celle-ci. Mais pour la mise en pratique de la sunna, voire même pour la mise en pratique des obligations, tu ne retrouveras pas chez eux cette ferveur. Et regardez comme ils ont délaissé nombre de sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce, car comme l'ont expliqué les gens de science, celui qui fait des efforts dans l'innovation, il sera inévitablement écarté de la mise en pratique de la sunna. Pourquoi? Car ceci est une sanction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui délaisse la vérité est forcément éprouvé par le suivi du faux. Plus la personne suit le faux, plus elle s'écarte du chemin de la vérité et plus elle aura du mal à suivre la vérité. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas prendre à la légère l'affaire des innovations, car elles sont d'un grand danger pour la religion et pour les musulmans. Les innovations, elles sont la cause de la disparition de la religion petit à petit. Plus l'innovation est mise en pratique dans un endroit, plus la sunna s'affaiblit et disparaît. Et c'est cela que recherchent les démons parmi les djinns et les hommes. Ils veulent, par les innovations, écarter les gens de la religion de vérité. Et certains parmi eux, parmi les partisans de l'innovation, ont même des intérêts mondains en cela. Regardez les chefs ou les gourous des confréries soufis, qui tirent de nombreux intérêts mondains de l'attachement de leurs suiveurs aux innovations auxquelles ils appellent, que ce soit des profits financiers ou autres. Et ceci également est une des raisons pour lesquelles ils sont attachés à ces innovations. Donc le cheikh, rahimahullah ta'ala, à travers ce chapitre, il a voulu nous démontrer le danger de l'innovation. Et que celle-ci est plus grave que les grands péchés. Les grands péchés, qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les péchés pour lesquels Allah a prescrit une peine légale ici-bas, ou au sujet desquels est venue une menace dans l'au-delà. Tout ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré une peine légale ici-bas. À l'exemple de la peine du voleur, la peine du fornicateur, la peine de celui qui consomme du vin, et ainsi de suite. Le fait que ces peines soient légiférées nous prouve que ces péchés font partie des grands péchés. Également, tout ce qui est suivi de la mention de la malédiction, ou la mention de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors dont l'auteur est sous la menace d'un châtiment dans l'au-delà. Ceci nous prouve que cela fait partie des grands péchés. Ou alors, tout acte dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désavoué son auteur. Ceci nous prouve également que ceci fait partie des grands péchés. Et toutes les choses qui sont interdites, et desquelles ne découlent ni peine ici-bas, ni menace dans l'au-delà, alors ceci fait partie des petits péchés qui sont moindres que les grands péchés. Et le plus grave des grands péchés, c'est le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, comme on va le voir dans le premier verset que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné. Quant aux grands péchés, leurs auteurs sont sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala s'ils meurent sur ces péchés sans s'en repentir. Si Allah veut subhanahu wa ta'ala, il les pardonnera. Et si Allah veut, il les châtiera à hauteur de ces péchés. Donc ceci nous montre la gravité des grands péchés. Mais l'innovation est encore plus grave que ces grands péchés. Et c'est ce qu'on va voir, inshallah ta'ala, à travers les textes que l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a mentionnés. Le premier verset qu'il a mentionné est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 48 de Surat An-Nisa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Donc ce verset, il nous prouve la gravité du shirk, la gravité du polythéisme, du fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui meurt sur le shirk, Allah ne le pardonne pas. En dehors de cela, quels que soient les péchés que la personne ait commis, si Allah veut, il le pardonne, et si Allah veut, il le châtie à hauteur de ce péché. Il est donc sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce verset ici. Car l'innovation est semblable au shirk dans le sens où elle est prise comme religion et comme moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que l'innovateur, lorsqu'il met en pratique une chose nouvelle en religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré, il pense que ceci fait partie de la religion. De la même manière que les polythéistes accomplissent des choses par lesquelles ils vouent le culte et prétendent vouloir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par cela. Donc l'innovateur, il pense que ce qu'il commet fait partie de la religion, tout comme le polythéiste. Alors que le pécheur, lorsqu'il commet un péché, il sait qu'il est dans le péché. Il sait que ce qu'il commet ne fait pas partie de la religion. Il reconnaît être dans le péché. Il reconnaît être dans la transgression. Mais il est poussé par ses passions, par ses désirs, et il tombe dans le péché. Mais ce qu'il fait, il ne prétend pas que cela fait partie de la religion. Contrairement à l'innovateur, qui pense que son innovation fait partie de la religion. Donc ceci nous prouve que l'innovation est plus grave que les grands péchés. De la même manière, on pourrait mentionner le fait que le pécheur, il sait qu'il est dans l'erreur, et il veut se repentir. Contrairement à l'innovateur qui, lui, ne reconnaît pas être dans l'erreur, mais pense être sur la vérité, que son œuvre est correcte, et c'est pour cela qu'il n'a pas l'intention de se repentir. Et c'est pour cela que rares sont les innovateurs à se repentir, contrairement à ceux qui commettent des péchés. Aussi graves soient-ils, tu verras qu'ils sont nombreux à se repentir car ils savent qu'ils sont dans l'erreur et ils craignent le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci nous démontre que l'innovation est plus grave que les grands péchés. Tout en sachant que l'innovation, il se peut qu'elle relève même du polythéisme, comme c'est le cas des innovations qui sont pratiquées autour des mausolées, à l'exemple de l'invocation d'autre qu'Allah, le sacrifice pour autre qu'Allah, les vœux voués à autre qu'Allah, et ainsi de suite parmi les formes de polythéisme majeures, qui sont des innovations relevant du shirk et dont l'auteur sort de la religion de l'islam et sera éternellement en enfer. S'il meurt sur cela, sans se repentir, car Allah ne le pardonnera pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Et le shirk à la base, c'est quoi? C'est une innovation en religion. Car Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures pour l'adorer. Donc s'il lui donne des associés, ils ont certes instauré en religion ce qui ne fait pas partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shirk est la plus grave des innovations. Et ceci nous montre que l'innovation est plus grave que les grands péchés. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un second verset, qui est le verset 144 de Sourate Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah pour égarer les gens sans se baser sur aucun savoir. Donc parmi les éléments démontrant que l'innovation est plus grave que les grands péchés, il y a le fait que l'innovateur invente un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala. Car il prétend que son innovation fait partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il prétend que l'auteur de cette innovation est récompensé pour celle-ci. Donc, il invente un mensonge contre Allah. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré ses innovations. Il n'a fait descendre aucune preuve à ce sujet. Donc l'innovateur, il ment sur Allah subhanahu wa ta'ala et sur sa religion. Contrairement au pécheur, il ne dit pas que son péché fait partie de la religion. Il sait qu'il est dans le péché. Il ne dit pas que le vol, la fornication, la consommation du vin font partie de la religion. Il sait que cela est interdit. Alors que l'innovateur, il fait l'innovation et il ment sur la religion. Il dit ceci fait partie de la religion. Ceci vous rapproche d'Allah. Pratiquez cette innovation, vous vous rapprochez d'Allah. Et les gens se laissent tromper par son discours. Donc il égare les gens sans se baser sur aucun savoir, sur aucune preuve du Coran et de la Sunna. Alors que le pécheur, contrairement à l'innovateur, il n'est pas pris pour modèle. Car les gens, généralement, vont le réprouver. Les gens n'aiment pas celui qui commet des grands péchés. Les gens n'aiment pas le menteur, les gens n'aiment pas le colporteur, les gens n'aiment pas le calomniateur, les gens n'aiment pas le voleur, et ainsi de suite. Alors que l'innovateur, Il se peut qu'il ait une apparence de piété, il se peut qu'il s'affilie à la science, à la prédication, et qu'il soit alors suivi parmi les gens, et qu'il soit alors suivi par les gens, qui se font leurrer par son apparence de religieux. Donc tout ceci nous montre que l'innovation est plus grave que les grands péchés. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un troisième verset qui est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, au verset 25 de Surat al-Nahl, lorsqu'il a dit, subhanahu wa ta'ala, ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. Qu'ils portent donc au jour de la résurrection tous les fardeaux complets de leurs propres œuvres, ainsi qu'une part des fardeaux de ceux qu'ils égarent sans science. Comme est mauvais le fardeau qu'il porte. Donc l'innovateur, il porte le fardeau du péché de son innovation et le fardeau de tous ceux qu'il a égarés sans science. Car comme on a dit, il est pris pour modèle. Surtout s'il s'affilie à la science, qu'il s'affilie à l'adoration, qu'il a une apparence de religieux et de pieux, de vertueux, il sera suivi par les gens. Donc il va porter le péché de ses propres actes, péché de ses innovations, et le péché de tous ceux qui l'ont suivi sur cette innovation. Et ceci nous montre le danger de l'innovation. Combien d'innovations se sont propagées génération après génération à cause d'une personne qui a instauré une chose en religion. Médite sur le péché de celui qui a instauré le Mawlid al-Nabawi en islam, qui est aujourd'hui suivi par des millions de personnes dans le monde musulman, depuis plusieurs siècles. Il porte son péché et le péché de tous ceux qui le suivent jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour de la résurrection, sans que ceci ne diminue en rien de leur péché. Vous vous rendez compte de la gravité de l'acte? Ceci n'est donc pas une chose à prendre à la légère. Et ceci nous prouve que l'innovation est plus grave que les grands péchés, car comme on a dit, le pécheur, le voleur, le calomniateur, le fornicateur, l'alcoolique, ils sont réprouvés par les gens. Les gens n'ont pas envie de les prendre pour modèle. Ils les répugnent. Alors que l'innovateur, il vient sous l'apparence d'un beau parleur, de quelqu'un qui est sur le bien, qui veut orienter les gens vers ce qui les rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors les gens sont leurrés par son apparence. Ils le suivent dans l'innovation. Ils portent alors le péché de ses actes et de tous ceux qui le suivent. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné quelques hadiths et il a dit, on trouve dans l'authentique, c'est-à-dire ici l'authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des khawarij, tuez-les où que vous les rencontriez. Et il a dit aussi, si je les rencontrais, je les tuerais comme furent tués le peuple de Ad. Ces deux hadiths nous démontrent la gravité de l'innovation, telle que l'innovation des khawarij. Les khawarij, ce sont ce groupe qui taxe les musulmans de mécréance, rendent licite leur sang sous prétexte qu'ils commettent des grands péchés, lèvent donc les armes contre les musulmans et refusent l'écoute et l'obéissance aux dirigeants musulmans. Telle est l'innovation des Khawarij, ce groupe qui sème la corruption dans de nombreux pays et attribuant leurs actes à la religion de l'islam, alors que l'islam est innocent de leurs actes et de leurs innovations. Au contraire, le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné de les combattre, de les tuer. Il dit, si je les rencontrais, je les tuerais comme furent tués le peuple de Had, afin de les dissuader, afin de les éloigner de cette innovation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné cette sanction dissuasive contre les Khawarij en raison de leur mal et de leur corruption qui découle de leur innovation. Et ceci nous démontre que l'innovation est plus grave que les grands péchés. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de les combattre en raison de leur innovation. Alors qu'il n'y a aucun texte dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait ordonné de combattre les auteurs des grands péchés. Donc l'innovation est plus grave que les grands péchés. Et pour appuyer cela, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit ensuite, et on trouve aussi dans l'authentique, c'est-à-dire ici l'authentique de Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de combattre les dirigeants injustes tant qu'ils prient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de combattre les dirigeants injustes. Même s'ils sont injustes envers leur peuple, on leur doit tout de même écoute et obéissance. Même s'ils font des grands péchés, leurs grands péchés ne leur nuisent qu'à eux-mêmes. Quant au fait de se révolter contre eux, de sortir contre eux, alors ceci nuira à l'ensemble des musulmans. Et il n'y a pas de doute que le fait de patienter sur leur injustice est un mal moindre que le fait de se révolter contre eux et ainsi semer le désordre et la corruption et le mal qui toucheront l'ensemble des musulmans. Donc ce qui est visé par la mention de ce hadith ici, c'est de nous démontrer que ces dirigeants, bien qu'ils commettent des injustices et que cette injustice fasse partie des grands péchés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de les combattre. Mais en parallèle, dans d'autres hadiths, il a ordonné de combattre qui? Les partisans de l'innovation parmi les khawarij. Donc il a interdit, d'un côté, de combattre les auteurs de grands péchés, et il a ordonné de combattre les partisans de l'innovation. Ceci montre quoi? Ceci montre que les innovations sont plus graves que les grands péchés, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de combattre leurs auteurs. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, d'après Jarir ibn Abdillah, radiyallahu ta'ala anhu, un homme a donné une aumône, puis les gens l'ont suivi en cela. C'est-à-dire, ils ont fait de même, ils ont donné des aumônes aussi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a alors dit, celui qui institue en islam une bonne tradition, une bonne sunna, en aura alors la récompense, ainsi que la récompense de ceux qui la mettent en pratique après lui, sans que cela ne diminue en rien leur récompense. Et celui qui institue en islam une mauvaise tradition en aura alors le péché, ainsi que le péché de ceux qui la mettent en pratique, sans que cela ne diminue en rien leur péché. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. La raison pour laquelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a prononcé cette parole, c'est que des gens pauvres sont venus à lui, et leur pauvreté était apparente. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été peiné pour eux, et lorsqu'il a vu leur situation, leur pauvreté, il a sermonné les gens et les a encouragés à l'aumône. Alors les gens commençaient à donner des aumônes, certains donnaient une poignée de nourriture et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un homme vienne avec une bourse remplie d'or, qu'il avait du mal à tenir en sa main. Il la posa alors devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en fut réjoui. Les gens le suivirent alors en cela et en firent de même et donnèrent des aumônes, au point que de nombreuses aumônes soient réunies devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il a dit, celui qui institue en islam une bonne tradition, une bonne sunna, qui fait vivre une sunna, en aura alors la récompense. Il a la récompense de son aumône, ainsi que la récompense de ceux qui la mettent en pratique après lui, de tous ceux qui l'ont suivi dans cet acte, sans que cela ne diminue en rien leur récompense. Donc ici, cet homme, il a institué une bonne tradition, une bonne sunna. Il a mis en pratique, il a fait vivre une sunna, la sunna de l'aumône. Il est venu avec une aumône abondante. Et ceci a encouragé les gens à en faire de même, et ils l'ont suivi en cela, ils l'ont pris pour modèle. Donc, c'était lui la cause de leurs bonnes actions. Il a donc la récompense de son aumône et la récompense de ceux qui l'ont suivi en cela. Et ce hadith est général pour toute personne qui fait le bien et qui est suivie dans le bien. À partir du moment où c'est lui le modèle, c'est lui qui a encouragé les gens à cela, alors il a la récompense de son action et la récompense de ceux qui le suivent. Et inversement, celui qui institue en islam une mauvaise tradition, ceci concerne les innovations, les choses mauvaises, les choses nouvelles en religion. Il aura alors son péché et le péché de tous ceux qui le suivent en cela, tous ceux qui vont mettre en pratique cela, qui vont mettre en pratique cette innovation, sans que cela ne diminue en rien de leur péché. Donc ceci, comme le verset qui a précédé, c'est une mise en garde contre les innovations. Et cela nous montre leur gravité. Car celui qui appelle à l'innovation est un modèle dans l'innovation, il portera le péché de tous ceux qui mettent en pratique cette innovation après lui. Tous ceux dont il a été la cause de leur égarement, il portera leur péché, sans que cela ne diminue en rien leur péché. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, et il rapporte un hadith semblable d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala, anhu, en ces termes, celui qui appelle à une bonne voix, c'est-à-dire celui qui appelle à une bonne voix, en aura alors la récompense, ainsi que la récompense de ceux qui la mettent en pratique après lui, sans que cela ne diminue en rien leur récompense. Et celui qui appelle à un égarement, On aura alors le péché ainsi que le péché de ceux qui le mettent en pratique sans que cela ne diminue en rien leur péché. Donc ce hadith a le même sens que le précédent. Et cela nous démontre le mérite de l'appel au bien et le danger et la gravité de l'appel au mal, à l'égarement. Et parmi ces égarements, il y a l'appel à l'innovation. Car l'innovation est égarement. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que nous avons mentionné précédemment. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un autre chapitre qu'il a intitulé « Chapitre sur ce qui est rapporté concernant le fait qu'Allah retient le repentir du partisan de l'innovation. » Donc, il a mentionné ce chapitre afin de nous démontrer sous un autre angle que l'innovation est plus grave que les grands péchés. Et ce car l'innovateur, il ne lui est pas facilité de se repentir. Mais généralement, il persiste sur son innovation. Car comme on a dit, il pense être sur la vérité. Il pense que ce qu'il fait fait partie de la religion, qu'il est sur le bien. Donc, il ne pense pas à se repentir. Contrairement au pécheur, qui sait qu'il est dans l'erreur, qui sait qu'il s'oppose à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Il craint le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qu'il risque d'être châtié. Donc, lorsqu'il se ressaisit, il s'empresse de se repentir et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que l'innovateur, il ne pense même pas à se repentir, car il pense que son innovation est une bonne action. Il se réjouit de sa situation, il appelle les gens à le suivre sur son innovation. Donc ceci nous démontre que l'innovation est plus grave que les grands péchés, et ceci fait partie de leur mal. Que leur auteur tombe dedans, pense être sur le bien, appelle les gens à le suivre sur celle-ci. Et par conséquent, étant donné qu'il pense être sur le bien, il ne parvient généralement pas à se repentir. Il n'y pense même pas. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a mentionné cette parole, qu'Allah retient le repentir du partisan de l'innovation. Et il a dit ceci est rapporté dans le hadith de Anas. C'est-à-dire ceci est rapporté dans un hadith rapporté par Anas qui attribue cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith a une chaîne de transmission qui n'est pas authentique. Et il dit et ceci est rapporté aussi dans les marasil d'Al-Hassan, c'est-à-dire Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Al-marasil, c'est-à-dire les paroles qu'Al-Hassan attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans citer le compagnon qu'il y a entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette catégorie de narration fait partie des narrations qui sont considérées comme faibles. Toutefois, les gens de science ont mentionné d'autres textes démontrant que le partisan de l'innovation ne parvient généralement pas à se repentir. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné après cela un autre texte et il a dit Ibn Waddah a mentionné que Ayyub a dit: Il y avait chez nous un homme qui avait adopté une opinion, puis l'a délaissée. Et ce qui est visé ici par l'opinion qu'il avait adoptée, c'est l'innovation des Khawarij, qui était sur la voie des Khawarij, puis a délaissé cette voie. Je me suis alors rendu auprès de Muhammad ibn Sirin, qui est un des grands imams de l'islam parmi les Tabi'in, les disciples des compagnons, rahimahullah ta'ala. Donc Ayyub est venu à lui et lui annonce cette bonne nouvelle que cet homme était sur la voie des Khawarij et qu'il a délaissé cette innovation. Il lui a donc dit: T'es-tu aperçu qu'un tel a délaissé son opinion, c'est-à-dire qu'il a délaissé son innovation? Et Muhammad ibn Sirin, de par sa perspicacité, il lui répondit: Observe donc par quoi il l'a changé, c'est-à-dire vers quoi il est passé. Certes, il a délaissé cette opinion, mais quelle est sa situation maintenant? Penses-tu qu'il est revenu à la sunna? Ou alors il est parti vers une autre innovation. Puis il lui dit, la fin du hadith est plus dure pour eux que son début. Et il parle ici du hadith au sujet des Khawarij. Puis il mentionna la fin du hadith qui est, ils sortent de l'islam, puis n'y reviennent pas. Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, a donc déduit de cela qu'il était peu probable qu'il se soit repenti de l'innovation et soit revenu à la sunna. Mais il a plutôt pensé qu'il avait délaissé cette innovation pour une autre innovation. Et il s'est appuyé sur cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit ils sortent de l'islam puis n'y reviennent pas. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné que l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a été interrogé sur le sens de cela, c'est-à-dire sur le sens de cette parole ils sortent de l'islam puis n'y reviennent pas. Il répondit rahimahullah, c'est-à-dire qu'on ne leur accorde pas le repentir. Ils ne parviennent pas à se repentir. Car comme on a dit, celui qui délaisse la vérité pour le faux, alors, en guise de sanction, il est écarté de la vérité. Et ceci est ce qui arrive généralement aux partisans de l'innovation. Ils ne parviennent pas à se repentir. Ils pensent être sur le bien, ils pensent être sur la bonne voie. Et même s'ils délaissent leur innovation, ils la délaissent pour une autre innovation. Et combien de personnes on a vu être dans des égarements, puis les délaisser pour d'autres égarements? Tu vois celui-ci qui hier était soufi et qui aujourd'hui est khariji. Il a délaissé la voie du soufisme pour la voie des takfiri et la voie des khawarij. Ou alors, tu vois celui-ci qui était haddadi, qui faisait de l'exagération, dénigrait les gens de la sunna, puis aujourd'hui fait partie des gens laxistes qui défendent les gens de l'innovation. Et ceux-là sont nombreux. Combien sont ceux qui sont passés d'un extrême à un autre? Ont délaissé la voie de l'exagération pour la voie du laxisme. Hier, il passait son temps à dénigrer les gens de la sunna, à les taxer d'innovateurs, et aujourd'hui tu le vois aux côtés des gens de l'innovation en train de les défendre. Donc ceci nous montre la gravité de l'innovation, et que celle-ci est plus grave que les grands péchés, car le pécheur, sa foi, peut le pousser à se repentir, à craindre Allah subhanahu wa ta'ala et à revenir sur le droit chemin. Alors que l'innovateur, étant donné qu'il pense être sur le bien, qu'il pense se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par son innovation, le repentir ne lui vient même pas en tête, et il persiste sur son innovation et ne la délaisse pas. Et s'il la délaisse, bien souvent il la délaisse pour une autre innovation, aussi grave ou encore plus grave qu'elle. Wallahu al-musta'an. Demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de l'innovation et de nous préserver des grands péchés. On a donc terminé ces deux chapitres et on verra dans le cours de demain le chapitre suivant qui nous démontre encore le mal des innovations, mais sous un autre angle. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.